Encore une fois, cette fille est partie sans rien dire. C'était mon cœur, ma femme. On s'est rencontrés un samedi. Ça me dit rien de la perdre comme ça. C'est si triste, on se baladait dans la rue sur les routes de cyclistes. Elle a même oublié ses clés et celles de mon cœur. Je venais la chercher à pied car les sentiments sont le moteur. Je t'assure, je voulais pas te mentir, mais c'est pas si facile. J'aimerais que mon amour me fascine car moi, ça me fascine. J'ai retrouvé un fossile, on m'a dit que c'était un baiser. Imbécile comme je suis, je me sentais tout de suite rabaissé. Tandis que l'aide a laissé des larmes. Moi, je pleurais, apeuré par l'amour. Moi, je courais, mais pour rien. Un cœur pourri, mais les morceaux se colleront sûrement. Mais je prends sur moi, même si je trouve ça un peu sur moi. Pas de tournoi pour les filles, car tout est pour moi. Je fais la manche de câlin et j'ai pas de pourboire. Moi, je t'aimais, mais je crois que c'était pas réciproque. Là, je lâche à réciproque, même si ça fait pas pro, c'est pas trop le cas. Je perds ton corps et surtout ton cœur. Je suis un menteur, mais je resterai ton mentor. Moi, je t'aimais, mais je crois que c'était pas réciproque. Là, je lâche à réciproque, même si ça fait pas pro, c'est pas trop le cas. Je perds ton corps et surtout ton cœur. Je suis un menteur, mais je resterai ton mentor. Je voulais faire le grand, mais j'étais pas à la hauteur. J'ai d'autres cœurs, mais j'ai peur de l'eau pure. Je suis pas rompu niveau sentiment. Je suis même délaissé. J'ai déjà eu des baisers niveau chaussures d'amour. J'ai pas de la. Je suis un peu lassé des râteaux et de plus rouler des belles. On a le droit d'être différent, elle peut pas tous être belle. Quand elle perd avec moi rien que ça, c'était difficile. Là j'ai Christex pour toi et je pourrais faire 10 000 lignes. C'est pas Emily qui m'arrêtera et encore moins Sarah. Ça raconte des bobards, normal qu'il ait peur de Sarah. Ça rase le ridicule, normal qu'on soit dégarni. Des garnis tournés autour d'elle et c'était des gars nuls. Des gars Joe qui lui offraient pas mal de gadgets. Mes jours j'ai eu les nerfs et j'ai appuyé sur la gâchette. Une vie gâchée c'est clair, ma vie c'est pas du tonnerre. Je suis un peu étonné qu'on me tolère. Encore. Moi je t'aimais mais je crois que c'était pas réciproque. Là je lâche à réciproque, même si ça fait pas pro, c'est pas trop le cas. Je perds ton corps et surtout ton cœur. Je suis un menteur mais je resterai ton mentor. Moi je t'aimais mais je crois que c'était pas réciproque. Là je lâche à réciproque, même si ça fait pas pro, c'est pas trop le cas. Je perds ton corps et surtout ton cœur. Je suis un menteur mais je resterai ton mentor.